Ça parle de toi, ça te rabaisse. Il a raison, tu lui donnes tort. T'es là, tu critiques encore. Tu veux sa part parce qu'il est fort. J'aimerais lui jeter un sort. Tiens à l'affût quand ça sort. C'est des trucs hardcore. Tu viens pas le dire, c'est con. D'abord pour les petites avioles, parlez-vous m'encourager. Ça se fait remettre droit et ça fait les mecs fâchés. C'est bien beau de chanter sans dire de nom sur Face. Vas-y, viens me voir en Face. Sur papy, je te laisse sur Place. Et n'appuie pas sur Play. J'ai tellement de choses à dire. J'assume tout ce que je fais. Si en bruit, je vais pas fuir. Quitte à me faire éclater, tout le monde connaît des gens. Toi, t'es de ceux qui toupent quand j'entends des légendes. C'est bien beau de tirer sur des murs ou sur des jantes. J'ai la haine, je dis jante parce que toi que tu chantes. Vas-y, fête les grands. Moi, je suis calme, je dis rien. Mais un jour, je peux virer. Vous allez comprendre plus rien. Et t'inquiète, fais ce son. Mais je peux te le dire en live. On n'a pas couru le soir où on était au lit. Moi je suis pas un voyou, moi je suis pas un cramé. Mais je reste pas sur le dégo quand y'a des têtes cramées. Ça parle de toi, ça te rabaisse. C'est la jalousie. Y'a raison, tu lui donnes tort. La jalousie. Tu là, tu critiques encore. C'est la jalousie. Tu veux sa part parce qu'il est fort. C'est la jalousie. J'aimerais lui jeter un sort. C'est la jalousie. Tu as l'affût quand ça sort. La jalousie. C'est des trucs hardcore. C'est la jalousie. Tu viens pas le dire, c'est gore. C'est la jalousie. Moi je connais des vrais, mais je connais aussi des faux. Chacun ses défauts, après tout il en faut. Qui m'aime me suivre et qui me suivra m'aimera. Faut pas venir lécher après quand je serai en Panamera. Ça fait des sous, ça regarde même pas s'il y a une caméra. À la fois comme la Camorra et c'est des peines qu'on donnera. Qui m'aime me suivre, rien que ça trahit. Ah oui, ça fuit, en fumant la oui. Sois pas jaloux, j'ai rien fait. Quand tu m'arrêtes de ce que j'ai, pourtant avant qu'il y ait tout ça, j'avais jamais songé. Mais là ça va être dur pour que je puisse éponger. Maintenant je vais te voir, je ferai comme si t'es un étranger. T'as le cerveau décalé, de partout tu te fais recaler. Pour des sous, tu cours au galop, ta vie, je vais pas l'étaler. Y'a des choses que je dirais pas, ma maman dit faut pas balance. Entre les bons et les jaloux, moi je sais plus où je me balance. Ça parle de toi, ça te rabaisse. C'est la jalousie. Y'a raison, tu lui donnes tort. La jalousie. Tu là, tu critiques encore. C'est la jalousie. Tu veux sa part parce qu'il est fort. C'est la jalousie. J'aimerais lui jeter un sort. C'est la jalousie. Tu as l'affût quand ça sort. La jalousie. C'est des trucs hardcore. C'est la jalousie. Tu viens pas le dire, c'est gore. C'est la jalousie. Ça parle de toi, ça te rabaisse. C'est la jalousie. Y'a raison, tu lui donnes tort. La jalousie. Tu là, tu critiques encore. C'est la jalousie. Tu veux sa part parce qu'il est fort. La jalousie. J'aimerais lui jeter un sort. C'est la jalousie. Tu as l'affût quand ça sort. La jalousie. C'est des trucs hardcore. C'est la jalousie. Tu viens pas le dire, c'est gore. La jalousie. Les petites salopes. Les petites salopes. Les petites salopes. Ils entendent des armes. Ils sont plus là, hein. Eh ouais, ça sort, ça se met bien. On se met très bien. Quand t'as cramé la pute, toi t'as pas les moyens. Et nous on a les moyens.